je dois le chuchoter. Oui, tu vas faire de moi un handicapé. Et si un jour ma langue ne t'a se délier, je persisterai à le chanter.

unissant, s'il enlève.